Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. Maxime Tanguin fait écouter un autre groupe indie des plus originaux. On reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique. Et David Ferron nous parle d'artistes franco-ontariens dans la langue dans ton oreille. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 2 octobre 2012. 2 octobre 2012. Octobre. Si je veux pouvoir dire octobre, exactement, c'est ça. Là. Parce que hier, on a dit 1er octobre et à chaque année, on capote parce que ça dit rocktobre. C'est très, très rock. Là. Mais avec 2 octobre, c'est pas très beau. Non. 3 octobre, 4 octobre. Alors là, ça fait rock encore. T'sais. Faut pas continuer tout le mois au complet puis vous parler de qu'est-ce qui est rock et qu'est-ce qui l'est pas. Donc, bon matin, François. Bon matin, Mathieu. Devine où on est. Un studio en direct? En direct! En direct ce matin? Incroyable! Aujourd'hui, l'émission, on va avoir à 7h30 Maxime Tanguay, sa chronique. C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune idée! Eh boy! Mais calé, non? Lui, c'est une surprise à chaque semaine, donc on sait pas encore de qui il va nous parler, mais on va écouter un groupe et son évolution à travers le temps. Ensuite, à 8h, on aura Michel Lebrun. Oui, avec sa chronique juridique, tout à fait. C'est quoi ça, juridique, ça, là? C'est des affaires, là? Juridique, justice et judiciaire. Des polices. Des ensuite, à 8h30, on aura David Ferron et sa langue dans ton oreille. Cette semaine, il nous parle de franco-ontariens parce que c'était la fête de... Des franco-ontariens. Non, je pense que c'était la fête de... De qui? Provincial en Ontario, non? C'est quoi? Quelque chose comme ça? Ah, je sais pas. Je sais pas? Aucune. On y en parle à 8h30. On va débuter l'émission, par contre, avec la chronique Zone Campus. Donc, on va faire le survol du plus récent numéro qu'on n'a pas encore littéralement entre les mains parce qu'on vous mentirait si on vous disait qu'on avait le numéro entre les mains. Il sort plus tard aujourd'hui. Ouais, ce matin dans les kiosques. Mais on va vous en parler quand même pour que vous sachiez à quoi vous attendre parce qu'il devait sortir hier et là, finalement, il est aujourd'hui. Là. Donc, ça va être à 7h15. Mais pour l'instant, François, que dirais-tu de l'entente du Dumas? Yeah! Ben oui, tout à fait. Voici l'heure et l'endroit. Assez fou dans vos oreilles. Dis-moi ce qu'il faut dire. Dis-moi l'amour à nu. Dis-moi le temps perdu. Dis-moi doit-on en rire. Thank you. shake with the limp hand. Ooh, they don't shake like a rock band. Talking about the businessman, devil in a Sunday hat, kind of old and kind of sad. Just talking about the businessman. They sleeping in a coma. Yeah, yeah, yeah, they speaking in a code I don't understand. They spit on the pole, man. Ooh, they don't spit like a punk band. Talking about the businessman, devil in a Sunday. Mother, Mother et Businessman à Assemblage Rocky. Avant ça, on a entendu Dumas et l'heure et l'endroit. J'aime ça savoir, tu sais, l'heure et l'endroit où les actualités se passent sur le campus. Et pour ça, je consulte le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Là, j'étais comme bien satisfait de ma petite phrase d'intro. Puis ça, j'ai réalisé qu'il y avait deux fois le même mot dedans. C'était un petit peu moins percutant, tu sais. Ouais. Ouais, t'as moyen. Qu'est-ce que tu veux? Yeah, c'est ça. Puis t'as parlé d'actualité, mais t'as pas parlé d'art et spectacle ni de ouais. sport. Tout à fait, c'est comme si c'était pas important. Hey, hey, hey! Hey! Non, là. Hey, toi, un matin. Le Zone Campus, c'est comme une recette avec un tiers de chaque, saupoudré en plus de différentes affaires comme la société. On aime bien ça. Donc, parlons du plus récent numéro du journal Zone Campus en kiosque à partir d'aujourd'hui, plus tard dans la journée, jusqu'au 14 octobre. C'est le volume 8, numéro 3. En couverture, on retrouve Caroline Rouillard, la nouvelle présidente de la GEQTR. Tout à fait. Évidemment, le titre de l'article est « Démission, élection, démission ». Vous aurez donc compris qu'il se passe bien les choses à la GE en ce moment et qu'elle arrive en plein milieu de tout ça. Donc, nouvelle présidente qui est entrée en fonction le 24 septembre dernier, élue à majorité au conseil d'administration du 18 septembre lors d'un vote secret. Lisez l'article pour en savoir plus. C'est en page 2 du journal Zone Campus. Et moi, ce que j'aime le plus, mon préf là-dedans, là, quoi? C'est que l'article « Démission, élection, démission » est écrit par qui? Demi Dolbec. Demi Dolbec. Démission. Ouais. Dolbec. Ouais. OK. On parle aussi de la hausse des droits de scolarité qui est annulée. La GEQTR est satisfaite de la décision. Des activités plus simples au programme de la nouvelle édition de la Coupe des associations. Mathieu Roy, le responsable, en parle à Maxime Tanguay. On parle de virage vert. Des nouvelles mesures seront prises. L'UQTR compte réduire pour la fin de 2013 sa consommation annuelle d'énergie de 34% grâce à l'installation de nouveaux équipements. La procrastination, on a parlé hier avec Véronique Meade. C'est dangereux. Dangerous. Living dangerously. Est-ce qu'on peut se débarrasser de ce fléau apocalyptique? Je n'ai aucune idée. Justement, vous allez pouvoir en savoir plus dans cet article-là parce qu'il va y avoir une activité anti-procrastination le 9 octobre prochain. Les clowns thérapeutiques, qui sont-ils? Vous connaissez peut-être ça grâce au film Patch Adams, entre autres. Bilan annuel important pour le CIU, le CIU, ça c'est le Comité d'intégration internationale universitaire qui était en Assemblée générale annuelle. Simon Fédibé, dans son texte d'opinion en pleine face, nous dit « Alors, hein, il dit, les étudiants peuvent enfin crier haut et fort leur victoire. La hausse des droits de scolarité est maintenant annulée. L'informe loi 12 est remise au placard et nous nous dirigeons à la vitesse grand V vers un sommet sur l'éducation postsecondaire. » Blablabla. C'est une belle lecture. Quelle est la prochaine étape? Merci, c'est ça. Je voulais me rendre à la fin de... Quelle est la prochaine étape? C'est ça l'important et c'est ça qui vous dit. Dans sa chronique multimédia maintenant, Michael Da Silva nous parle du Tokyo Game Show 2012, un salon à domicile. Il fait le tour des conférences de Sony, Nintendo et Microsoft. Et est-ce que je dis finalement? Non, il en reste deux. L'avant finalement, si on veut. À l'Université du Troisième Âge, des cours pour les moins jeunes. Et finalement, l'allocution de la rectrice qui a eu lieu, c'était jeudi dernier, si je me rappelle bien, le 27 septembre. On parle donc des nouvelles orientations pour l'UQTR. C'est la rectrice de l'UQTR, Nadia Ghazali, qui a fait son discours comme à toutes les années. Voilà pour Actualité. Génial. Du côté société, on a deux textes d'opinion. Pour cette parution aussi, on a un texte d'opinion d'un étudiant prénommé Laurent Constantin. Son prénom, c'est Laurent Constantin? Non, c'est Laurent et son nom de famille, c'est Constantin. Ah, je trouvais ça spécial. Vous l'avez compris. et puis, on a un autre texte d'opinion qui est, lui, du VP démissionnaire aux affaires académiques au cycle supérieur. Donc, voilà, en fait, il explique un peu son départ. C'est très intéressant. Et un petit note, si vous voulez, il y a aussi un autre texte d'un autre démissionnaire de la GEQTR, mais exclusif au blog zonecampus.ca. C'est Malik Diag, on l'a posté hier. Et c'est exclusif au blog. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu peux rappeler l'adresse www.isoncampus.ca. Exact. Barre oblique. Barre pas oblique. Obligé. Tu peux mettre une barre oblique. Tu peux même mettre les http://:// au début. Ouais. 3 W. Ça, on les met plus. Là. Non. C'est une grosse perte. Non plus. Une grosse perte pour Internet. C'est ça. Et puis, toujours du côté sociétal, en page 10 du journal Zone Campus qui va être en kiosque ce matin, on a Jean-François Veilleux qui, avec sa chronique Je me souviens au pouvoir citoyen, qui me parle de 10 choses à savoir sur la marijuana. Partie 1. Donc, évidemment, vous avez compris, c'est les bienfaits. Ouais, c'est ça, parce que si vous vous demandez qu'est-ce qu'il en pense, lisez la dernière phrase de son article. Les bienfaits. On s'enroule un? C'est la dernière phrase. C'est un punch que je sais, mais bon. En art et spectacle, maintenant, Eddie King, une découverte. Eddie King présente son premier one-man show. On revient sur le spectacle d'Orange Orange, entre autres, qui était au début de session, on partait de la rentrée. On parle aussi de leur futur projet, donc Orange Orange. L'ATD Boutique Atelier se lance en affaires à 24 ans. C'est Andréane Dessureau qui se lance en affaires depuis le mois de juin. Elle a sa boutique ATD Boutique Atelier sur la rue Notre-Dame au centre-ville. Une programmation des plus chargées pour la 28e édition du Festival international de la poésie qui se tiendra jusqu'au 7 octobre prochain. C'est déjà commencé depuis le 28 septembre. Encore une autre boutique, mais cette fois-ci une boutique des métiers d'art, EMA ou EMA, les métiers d'art à l'honneur. Ça, c'est situé sur la rue des Ursulines, boutique Exposition Expérience EMA, qui en est presque à son premier anniversaire de fondation et on dit certainement pas son dernier. Dans sa chronique de critique de films, Gabriel Couturier parle de deux films d'ailleurs, Exam, sorti en 2009, et Origin Spirits of the Past, en 2006. Visite gustative quand les arts culinaires et visuels se rencontrent. C'est au centre d'exposition Raymond Lanier. Ils reprennent leur formule originale de visite gustative le jeudi 11 octobre prochain. Au Théâtre des gens de la Place, on dit un début de saison prometteur. Puis il y avait la pièce de Tennessee Williams, La ménagerie de verre à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture. Il nous en reste deux petits derniers. Centre d'exposition Raymond Lanier, Emma Collection, une rétrospective artistique de la ville. Alexandra Carignan nous en a parlé hier. Et puis finalement, la revue. Est-ce qu'on peut dire critique? Je ne sais pas. Non, je pense qu'on parle simplement des deux nouveaux albums de LCP Isaac et de Joran. Voilà pour les arts. Merci Mathieu. Du côté des sports, on parle évidemment du soccer masculin. On parle d'une victoire, d'un blanchissage offert par les Patriotes et ainsi qu'une défaite. Et ça, la défaite s'est déroulée le dimanche 23 septembre aux mains de leur adversaire de l'UQAM. Profite d'athlète Guillaume Sureau, joueur des Patriotes soccer. Et puis, soccer féminin. Hein? Après ça, on est vraiment dans le domaine du soccer là, présentement. Le hockey n'est pas encore commencé. Non. Écoute, un peu de golf aussi, là, un peu plus loin. On parle du soccer féminin, comme je le disais. Défaite et puis match nul pour les filles. Donc voilà, on a Maxime Bilodeau avec sa chronique d'une foulée à l'autre qui nous parle évidemment du changement de saison. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui vient avec? Comme vous le savez, en fait, on se dirige tranquillement vers l'hiver. Mathieu faisait la remarque ce matin. c'est un beau matin, par exemple. Oui. Il fait pas trop froid. Profitons-en. Exactement. Les Patriotes Golf qui pointent au troisième rang à l'aube du dernier tournoi au Kiwiteb. Les Patriotes sont en excellente position. Vous pouvez d'ailleurs aller lire l'article en page 18, section des sports. Et puis, Patriot Hockey, Mathieu, hein, oui. Tu sais que c'est nos gros, c'est nos grosses vedettes ici à l'UQTR. C'est le gros sport. Exactement. Deux victoires et une défaite dans les Maritimes. Week-end positif pour les Patriotes Hockey. Donc, allez lire ça. Il y a d'ailleurs un profil d'athlète aussi, Maxime Robichaud, plié à la ligne bleue. Mm-hmm. Okay. Voilà pour la parution du 1er au 14 octobre. C'est mêlant parce qu'en fait, il était supposé être dans les kiosques hier, mais bon. C'est ça. Mais s'il fallait qu'on mette la date de quand il est disponible, il y aurait des dates où il n'y aurait pas de journal finalement parce que lui, il aurait fini le 30, puis on aurait commencé le 2. Ouais, c'est ça. Non. Il n'y aurait pas eu de date le 1er octobre. Le 1er octobre n'existait pas. Donc, on met quand même le premier. C'est le volume 8, numéro 3. Oui, tu disais disponible plus tard aujourd'hui. Un petit peu partout sur le campus de QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. C'est le campus ce matin, sinon en ville aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est dans la journée. On vague. Aujourd'hui. C'est la nouvelle pareil aujourd'hui. Ouais. C'est ça pareil. Donc, voilà pour le son de campus. Passez sur notre blog pour lire la plupart des articles et pour les commenter, les partager sur les différents Facebook et Twitter. De ces internets interwebs différents. Et ça se partage bien, d'ailleurs. Là. On peut voir que ça fait jaser sur Internet. Ça fait ping, ping, ping, bloup, bloup, bloup, les petits bruits, les effets sonores. C'est iPhone de tout le monde. Plip, plip, plip, plip, iPhone de tout le monde. Sur le campus. Plip, plip, plip, plip. C'est de même, c'est des tweets. Bon. Tout à l'heure, on aura Maxime Tanguay, sa chronique sur les groupes indie, les groupes de musique, évidemment. Mais avant ça, François, tu nous suggères du Gaslight Anthem. Ça m'a fait poup, poup, poup. Oui, écoute, j'écoutais la rediffusion des Palmarès hier. Ah, c'était bon, hein? Et puis, oui, tout à fait. Et puis, j'ai entendu Gaslight Anthem, puis je me suis rappelé que j'aimais ça. Une chance que t'es tout seul dans ton bureau, toi. Je monte le son. Ah oui. Ouais. Je vais déplacer un peu, sinon. Oh! Oh! Ghost over there. Le Viewmaster d'Atomic Baobab à Assemblage requis. Il nous reste que quelques minutes avant la chronique de Maxime Tanguay qui s'en vient et qui est déjà en studio. Ah, ah, ah. Il est déjà de bonne humeur. Ben, il est toujours de bonne humeur, ce gars. Oui, tout à fait. Oui. Oui, même s'il est très tôt le matin et que je me couche très tard le lundi, je suis toujours de... Ça paraît pas. Non. Non, bon, ben excellent. C'est le maquillage que je mets qui... Oui, oui. De Arkham... Oui, encore. Ben hier, justement, je me suis pointé ici avec du maquillage, là, les grosses cernes, puis une de mes amies qui pensait vraiment que je m'étais battu. Ah, ah ouais? Ouais. Fait que je t'as me suis fait ta brute, moi. Ah, ben oui, exact. C'est pour te défendre. Mais le gars que t'es curé. Mais ouais. Tu joues dans Arkham... Mais oui, paraît-il. Wow. Ouais, j'ai un rôle de fou, là, comme tout le monde. Ouais. Ça, c'est l'affaire basée sur le monde de Batman. Non, à la vieille prison. Mais oui, c'est à la vieille prison. Ça s'appelle Arkham, mais c'est plutôt cette année, c'est sur le monde de H.P. Lovecraft. OK. Qui est un peu le créateur, si on veut, d'Arkham étant une ville dans son œuvre à lui et qu'on croit a inspiré, donc, éventuellement, le Arkham de Batman. OK. Donc, il n'y a aucun lien. Il n'y aura pas Batman, de Joker, de Bane. Il n'y a pas de ça. C'est complètement différent. Donc, si vous avez fait le parcours l'an dernier, vous allez vivre de quoi de nouveau cette année. C'est ça qui est intéressant. Parfait. Et ça, c'est juste pour le temps d'Halloween, en fait? Ça se termine à l'Halloween? Oui, un petit peu plus tard même. Okay. Ça se termine le 2 ou 3 novembre, dans le fond. Fait que, à tous les jeudis, vendredi, samedi soir, à partir de cette semaine, sauf pas jeudi cette semaine, mais à partir de vendredi cette semaine et tous les jeudis, vendredi, samedi soir, jusqu'à la fin du mois d'octobre, on est sur place et on fait un blitz la semaine de l'Halloween. Ça va être mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Okay. Et c'est donc, où, ça? C'est à la vieille prison, dans le fond, le musée de la culture populaire qui est au centre-ville, sur la rue La Violette. Et c'est derrière ça, dans le fond, de toute façon, en arrivant à l'accueil, ils vont vous diriger, mais c'est dans la vieille prison de Trois-Rivières. Fait que déjà que c'est glauque comme ambiance. Ouais, ouais, tout à fait. Nous, on va rajouter encore un petit peu plus de glauque là-dedans. Et ça commence à quelle heure? J'imagine qu'il n'y a pas juste une visite par jour? Ben non, en fait, les visites débutent, si je me souviens bien, à 19h. OK. Et c'est à tous les 15 minutes qu'il y a des départs, c'est des visites d'une heure. Et réservé, si vous voulez être là, réservé d'avance, parce que l'an dernier, ça a été, on a refusé tonnes de monde à la porte. Et c'est ça, donc vous avez en masse de plages horaires, là, puis pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas encore tout rempli. Mais réservé d'avance, puis le soir, vous pouvez commencer votre parcours à minuit, je crois, si vous voulez, me semble, le dernier départ. Non, ça fait trop peur. Pas minuit. Ah, François... Non, j'ai peur. Mais j'ai peur. Je te comprends. Hey, mais je vais essayer d'y aller. Pour vrai, cette année, ça me tente. Ben, quand il y avait des beaux commentaires l'année dernière. Oui, généralement, c'était très positif. On était très contents là-dessus. Cool. Merveilleux. Hey, Maxime Tanguay, Master Improvisator, je ne savais même pas qu'on allait parler de ça, puis finalement, il était super bon. Ben bon. Tu restes avec nous tantôt, tu nous parles d'un groupe indie. Ben écoute, on suit le créneau. Oh, ça vient juste de m'arriver. Est-ce que tu peux nous donner un indice? Un indice? Indie. Génial. François, il est comme tout de glace. Un indie. Indication. T'as pas la même chose. Tu viens de me copier. Hey! Comment? Rejeter des lettres. Ouais. Mon Scrabble, c'est plus payant. Moi, je vois plus ça comme deux frères. Ah ouais, non. Comprenez. Bro. Non? Non. OK. Non? Okay. Pas mon bro. Hey, bro. On a une bromance, en tout cas. Oh! Toutes les émissions ont ça, une bromance. Une bromance. Deux amis de gars qui sont vraiment proches. Ça. Oui. C'est pas vraiment notre comment tu. Oh, t'es cute, Thomas. OK. On retourne entendre Set the Whale 2010 et on revient avec toi juste après. À tantôt. C'est l'assemblage requis. I've seen enough parts to know where we stand. It's impossible to take it all in. Those bright city lights, they're burning your eyes. It's unreasonable to see them from Mars. You're unrecognizable. So why you're so livable, you set the bar high. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Poésie, qu'on l'appelle. Wow. La poésie ce matin. Ouais, c'est... Ah, mais ça vous représente bien, quand même. C'est comme des vers. Oh. En fait, on est comme des vers dans une pomme aussi. Ah oui? Parce qu'on vient comme tout gâcher par des blagues comme ça. Oh! Ouais, voici Maxime Tanguay qui va nous présenter sa chronique avec un ton cette semaine, François. Baveux. Baveux. Baveux. Oh. Ah ouais. Hey, moi qui n'ai pas habitué d'être baveux, ce sera pas long. Hein? Aïe, c'est qui ce groupe-là, hein? Hein? J'en ai aucune idée. Non, ouais, ouais. Wow. Salut, Maxime. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Hey, c'est plein de forme. Bon. Après cette chanson-là, pas le choix d'être en forme. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est bonne, c'est une bonne intro. Ouais, c'est intéressant. Mais ça me réveille en même temps, parce que, tu sais, c'est beaucoup de percussions. D'arriver en onde, ça... Donc, c'est qui ce band-là? Déjà, j'en ai aucune idée. On parle de groupe de musique indépendant. Oui, exact, exact. Et cette semaine, on va aller dans la branche folk slash un petit peu country de la musique indie, c'est-à-dire avec The Wooden Sky, qui est un groupe originaire de Toronto. Ontario, qui est un groupe, rapidement, je vais commencer avec une petite anecdote. J'ai découvert ce groupe-là parce que je déambulais dans les rangées d'un magasin qu'on ne nommera pas ce matin. Et qui a des initiales. Mais qui a des initiales, exactement. Et à un moment donné, j'ai tombé sur la pochette du premier album de Wooden Sky, qui est Lost at Sea. When Lost at Sea, pardon. Et j'ai aimé la pochette. J'ai fait, ah tiens, hey les gars, avez-vous déjà écouté ça? Non, non, non, non, je l'ai acheté puis j'ai trippé. Voilà. Juste par sa couverture, c'est le fun, ouais. C'est un achat aveugle complètement. C'est devenu un des bands que j'aime le plus. Wow. Dans les dernières années, là, je trippe vraiment, vraiment sur tout ce qu'ils font. Et voilà. Et le chanteur est très grand aussi, mais ça, c'est pas important. Ah, bon fait à savoir. Ça. Ben, bon, 6 pieds 4, 6 pieds 5, c'est assez impressionnant. Bon. Wow. Et c'est ça, donc, c'est un petit groupe de Toronto qui a commencé autour de 2003 environ, mais il s'appelait à l'époque Friday Morning's Regrets, on en a tous. Ouais, c'est ça. Quelle grandeur il y avait le gars à ce moment-là, mettons, tu sais? Il devait faire un 6 pieds 8, mais c'est parce qu'il a comme perdu les pieds pendant... Mais non, je sais pas quel âge. Ils ont autour de la trentaine. Fait que probablement qu'ils étaient déjà à son pic. Son apogée. Ouais. Ben, j'y souhaite parce que. Ouais. Il est grand star sinon. Avoir une poussée de croissance à 20 ans. C'est un peu plat. Ah, c'est bizarre. Oui, ouais, effectivement. Jusqu'en 2007, ils ont décidé de s'appeler The Wooden Sky pour une raison, honnêtement, que j'ignore. Je crois qu'il y avait déjà un groupe qui s'appelait Friday Morning's Regret. Pourtant, c'est assez original comme nom. Ben, oui, en fait, mais Dieu sait que tout le monde a des regrets les vendredis matins. Donc, peut-être que. C'est le jour pour avoir des regrets. Ben oui, mais vous verrez clairement, parce que c'est balancé par le fait que c'est la dernière journée de la semaine. Quand tu y penses, c'est logique. Ben oui, tout à fait. Et donc, The Wooden Sky, donc, a lancé donc, son premier album, One Last City, en 2007, sous l'appellation de Wooden Sky. Donc, non pas où on lançait un EP sous l'ancien nom, mais généralement, toute leur discographie est sur le nouveau nom. Et One Last City, c'est intéressant parce que c'est une espèce d'album folk, un peu rock, mais t'as aussi beaucoup de racines country là-dedans, qui viennent surtout justement du chanteur Gavin Gardiner, qui compose la majorité des chansons et qui écrit des paroles. Et c'est une espèce de mélange entre justement des moments très tranquilles, guitare, avec des mélodies justement qui vont frôler un peu le country, mais t'as des moments très rock où il va pousser sa voix beaucoup et que c'est très que ça bouge beaucoup. Fait que c'est super intéressant pour ça. Et ils ont concrétisé ça avec leur deuxième album qui est If I Don't Come Home, You'll Know I'm Gone, qui est, ouais, c'est complexe, qui est sorti en 2009, qui lui est un petit peu plus folk. Lui, là, on a abandonné plus le côté country pour vraiment assumer le côté folk de la patente, si je peux le dire ainsi. Et avec ça, ils ont aussi travaillé un petit peu plus leur production en studio, aussi travaillé un peu plus leur côté rock, comment de l'amener un petit peu plus, de façon plus efficace aussi, durant les chansons. Et ça aussi, c'est un bijou, c'est un excellent album. Et ils ont sorti un troisième album cette année, au printemps, qui est Every Child a Daughter, Every Moon a Son. Oui, ils aiment particulièrement les titres d'albums très longs. C'est une belle évolution parce qu'avec cet album-là, le troisième, là, ils ont non seulement encore plus assumé leur style, encore plus établi, mais là, ils vont jouer avec d'autres choses aussi. Dans cet album-là, il y a beaucoup de présence de feedback de guitare. Ils vont s'amuser un petit peu plus avec la production. Il y a Take Me Home, qui est, on dirait, une balade des années 50. Il y a Malibu Rum, qu'on se croirait sur la plage. Hmm. Fait qu'ils se sont vraiment amusés encore plus avec leurs éléments. Et ça aussi, ça risque d'être dans mon top 10 des albums cette année. J'ai adoré, encore une fois, cet album-là. Fait que c'est un groupe qui, comme le bon vieux vin, s'améliore avec le temps. Mm-hmm. Et des commentaires que j'ai eus en spectacle, parce qu'effectivement, ils étaient présents au Festivois il y a 2 ans. Ah oui? Oui, ils sont venus au Festivois au Nord-Ouest, en fait, sur la scène, c'est la scène rock. Nord-Ouest? Enfin, au Nord-Ouest. Et j'ai réussi, toute ma gang, tous mes amis proches, j'ai réussi à les convaincre d'aller à ce show-là. Je fais, on va y aller, ça va être bon, vous allez voir, vous allez triper sur Wooden Sky, ça va être écœurant. Et ils sont allés, ils ont trippé et tout. Moi, j'avais la rougeole. Donc, t'es pas sérieux. Fait que moi, j'ai manqué cette band-là quand ils sont venus à Trois-Rivières parce que j'avais la rougeole. Ouais, c'est... Tous tes amis étaient là, en plus. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je me sentais comme dans un film d'Hollywood. Je leur ai demandé, puis c'était comment? Ah, tu sais, c'était correct. Non, sérieux. Ah, c'était malade! C'était correct! Puis c'est là que j'ai su que le Gavin Gardiner faisait au moins 6 pieds 5. Très impressionnant. Et tu l'as retenu? Ben oui, je l'ai retenu, mais c'est parce que sur les photos, il n'y a pas l'air de ça, pas en tout. Non. Mais quand il est monté sur scène, c'est ça mes amis m'ont dit, oh, OK. T'sais, on dirait qu'il y a un respect naturel qui s'est imposé devant lui. Puis il y a une voix très, très particulière, comme vous allez pouvoir entendre dans les chansons, où des fois, il va jouer avec, va la pousser et tout. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'en spectacle, c'est rendu à la perfection. Donc, ça vient de très haut, fait qu'en plus, c'était vraiment. Ben, c'est ça. Pleuvoir dessus. Exact, exact, exact. Futur dictateur. C'est ça. Futur dictateur. Aïe, aïe, hein. Et. Non, pas à ce point-là. Non. Je veux pas partir de rumeurs sur lui puis que la GRC débarque chez eux. Et les trois chansons que je vous ai sélectionnées, donc une par album, comme on va suivre la logique que j'ai de parler depuis le début de mes chroniques, on va y aller avec This Bird Has Flown, qui est la chanson qui ouvre le premier album. Donc on va voir le côté plus acoustique, folk légèrement country de la patente, comme j'ai dit tantôt. On va aller entendre le Call If You Need Me du deuxième album, où on va voir justement un côté où Gavin Gardner va s'emporter, va pousser sa voix vers la fin de la chanson, même toute la chanson va s'emporter aussi, puis tout est... Vous allez voir, c'est très bien arrangé. Et finalement, Bald, Naked and Red du dernier album, qui est, je pense, un bon compromis entre le nouveau son et le son, tu sais, l'évolution. Je pense que ça va bien, sans être Take Me Out, justement, qui est complètement ailleurs. Mais ça reste que c'est nouveau, puis c'est pour vous donner une idée de quoi sonne, de comment sonne le dernier album. Voilà. D'accord, elles sont quand même assez courtes, on les écoute toutes l'une après l'autre. Parfait. Sans pause. The Wooden Sky, tout de suite, à Assemblage Rock. C'est qui déjà ce band-là? C'est... j'en ai aucune idée. Ah! Je viens juste de le dire. I wanna la... cut off all my hair and go out walking in the cold. Cut myself new and talk just like before. I wanna start myself off blankets and sleep here on the floor. I got done with this. Stop calling me your lover and stop talking on the phone. Well, such a pretty voice just makes me miss the doubt song. So I'm gonna rip out my own heart, so clearly as betrayed. My quest for being lonely, my promise of the same. Well, if I had a choice and I'm only partly sure I do, I'd gather all my things and I'd leave town and I'd leave you. Take up a residence just off the coast and drown a year or two. Oh God, don't let this be love. And if the winter fell upon me, will I be outside in the snow? Not thinking about your red hat, no, not missing you at all. I lied up a new bad habit, start talking in the night. If I ever thought of you, I'd say I still think I was right. Safe, I pray, and give me two hands to hold up over my head. Try to keep this storm at bay. But she said, hard times I could stomach my day if you were right here by my side. And if you leave him, and I'm gone, don't. Well, if I were a man of stronger words, then I would speak like spitting fire and burn holes in all those things that you'd hold up. Try to tie my hands together. But she said, hard times I just come to my dear. You're right here by my side. If you leave him, and I'm gone. by a child of golden locks, and Lord, it left me with no choice. She said, "Heart." donc, sur cette conclusion magnifique. Si entraînante. Oui, tout à fait. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. The Wooden Sky. The Wooden Sky. Oui. Voilà, voilà. Groupe avec un grand chanteur. 6 pieds 4, 5, là, minimum. Là. Dans ce bout-là. Facilement impressionné par les grandeurs, toi. Oui. Ouais, t'as un gars de 7 pieds, ça serait comme... What? Ah, écoute, hein, je capoterais. C'est un monstre. D'ailleurs, pour pas voler de punch, là, mais il y aura un personnage très grand dans Arkham. Que... Mais il est pas joué par un vrai grand. Non, c'est pas moi. Non. Mais, ben, oui. Quand... Des échafauds? Parce... Comment t'appelles ça? Ah, et... Je sais pas. Mais oui, en fait, des échafauds. OK, bon. Le Paul s'est dévoilé, mais... vous saurez, quand il y aura un gars grand, vous allez pouvoir le botter dans le tibia, c'est pas un vrai tibia. Ben, c'est ça. Mais déjà, d'avance, la personne est imposante. Ouais. C'est vraiment juste comme... Ouch. Ouch. Donc, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas tout suivi la conversation, là, on parlait de Arkham. Comment ça s'appelle? L'asile d'Arkham, en fait. L'asile d'Arkham. Oui, ça s'appelle encore comme ça cette année, mais c'est ça la différence des gens. Attendez-vous pas. Arrivez pas déguisé en Robin ou Batman. Non, on va vous trouver bizarre. Non, on peut-tu aller visiter ça déguisé? Ah, regarde-toi. Ouais. Écoute, oui, tout à fait. Je peux essayer de te faire peur. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Mais oui, tu pourrais essayer effectivement de me faire peur. C'est sûr que ce qui est intéressant de l'animation comme ça, c'est que c'est un contact direct avec les gens. C'est une immersion, on essaie de leur faire faire. Fait qu'on veut les amener à vivre l'expérience avec nous, à vivre l'aventure. Par contre, ça amène à certains dérapages des fois, comme l'an dernier. L'an dernier, il fallait que les gens ramassent des batarangs, dans le fond, comme dans le jeu vidéo, là, les trucs que Batman lance. Ça s'est passé, c'était vraiment plus Batman. Mais c'était Batman, oui, Batman. Comme le jeu Arkham Asylum, en fait. Et il fallait qu'ils ramassent des batarangs, justement. Et il y a une personne, un visiteur, qui s'était battu avec un des comédiens pour avoir le batarang. Lui, il voulait pas y donner tout de suite, parce qu'il y avait une scène à faire avant, des infos, il donnait tout. Puis le gars s'est battu avec. Ils se sont bousculés et tout. Puis le comédien Daniel, lui, a quand même très bien réagi. Puis ultimement, il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu rien. Il est resté dans son personnage. Il a très bien agi, il a très bien fait ça. C'est plate. Il a géré ça, mais en même temps, tu sais, c'est comme on est des comédiens. Jouer le jeu, là. Moi, j'avais un gros masque, puis il y a quelqu'un qui m'avait joué après le masque. C'est que non. Non, touche-nous pas. À toucher aux gens. Vous pouvez nous crier après, vous pouvez pas nous écouter, mais touchez-nous pas. Une chance que vous n'avez pas imité des jeux où on peut faire le teabag, non? Le teabag? Les références de jeux vidéo, c'est quand tu trempes en... Non, j'ai pas de détails, boy, mais... Okay, une chance que, tu sais, c'était pas ça. Non, heureusement. Ceux qui en comprennent, tant mieux. Ceux qui en comprennent pas, ben désolé. On parlait de l'asile d'Arkham, et avant ça, on a entendu trois pièces de The Wooden Sky. The Wooden Sky, oui, voilà. Voilà, qui est... Bon, c'est bon. C'était bon. C'est bon, on aime ça. Ouais, tout à fait. C'est relax. Oui, c'est relax, mais c'est ça, en fait, il y a plusieurs tons. C'est ça qui est intéressant, que l'album va vous faire vivre plusieurs choses, mais que généralement, c'est tout le temps... Lui a une voix très émotive, fait que c'est tout le temps très senti. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup du groupe. C'est tout le temps très bien fait, simple, mais quand même pas trop. Il est juste bien construit. Fait que moi, j'aime beaucoup. Ouais. Et on rappelle qu'ils ont trois albums. Oui. One Lost at Sea, If I Don't Come Home, You'll Know I'm Gone, puis Every... Child, a daughter, every moon, a son. Tu vois, c'était un test, il l'a réussi. Ah ouais? À merveille. J'ai rushé. Maxime Tanguay, on te retrouve avec un autre band indie la semaine prochaine. Tout à fait. On a très hâte. Oui, ben moi aussi. Je sais toujours pas ça va être quoi, mais je suis sûr que ça va être bon. Tout le temps. Tout le temps bon. Ah, ouais, bon. Hey! Parfait. OK. Bon. OK, c'est ça. Ben merci beaucoup. Fais-nous peur. Hein? Fais-nous peur. Ben non. Non, faut aller le voir pour ça. Je ne m'attendais pas à ça par tête. Ah non, hein? Maxime Tanguay, mardi prochain à 7h30. Nous, on va terminer cette première heure d'Assemblage requis ici. François, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Michel Lebrun. Oui, tout à fait, la chronique juridique de Michel Lebrun. Et David Ferron. David Ferron vers les 8h30. Avec de la musique franco-ontarienne et celui que tu pensais... Damien Robitaille, non? Non. Ah. Non, mais on va entendre quand même quelque chose qu'on connaît qui a déjà été sur le palmarès. Ah, bon, génial. On vous garde des surprises. Puis pour l'instant, c'est l'Info Campus. On dirait plus une chauve-souris qu'un cri, mais bon. Ouais. C'est fou. Pour l'écouter. 89. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Mardi 2 octobre 2012, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plon. Oui, oui. Oui. Ben, c'est bien lui. Attends un peu que j'y pense, oui. Ah oui. Dans quelques minutes, on reçoit Michel Lebrun, sa chronique juridique, judiciaire et justice. Justicienne. Et je pense qu'on va parler du code criminel ce matin. Oui, charte des droits, liberté de la personne, etc. etc. Mais pour l'instant, on écoute Tremblay. Voici Marie Plastique. 89 FM, c'est fou. Les yeux des autres. Des filles comme ça, y en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique. Ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Ouais, t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie, t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Marie Plastique. Marie Plastique. Sans ton ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique. Je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique. Enlève son don, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu veux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Tremblay avec Marie Plastique sur l'album qui se nomme Ça va. T'es cryptique, ça va. Toujours Assemblage requis, maintenant il est 8h05 et François-Olivier. Mathieu Plante. C'est le moment fatidique. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Ouais, c'est là que ça se passe. Ouais. Mais ça s'adresse à tout le monde. Ah oui, tout à fait. Oui. Voici Michel Lebrun et sa chronique Panier à salade. Michel Lebrun, bon matin. Bon matin, Mathieu. Oui. Comment ça va? Ah, ça va. Un petit peu grippé, mais on va vivre avec. Bon, on va s'en sortir. Ouais. Donc, le sujet d'aujourd'hui m'a l'air assez complexe parce que vous avez apporté votre brique, là, votre gros livre d'un mètre d'épais. Ah, écoute, c'est le code criminel, mais à l'intérieur duquel... On retrouve également la charte des droits et libertés. Vous savez, dans les autres chroniques, je vous ai souvent parlé de... ce qu'on pense en termes de pourquoi on a un système de justice pour éviter que des innocents soient condamnés. Il y a un processus à suivre. Et puis, c'est facile pour un avocat comme moi de venir défendre ce qu'on fait lorsqu'on parle de gens qui ont été faussement accusés. Je vous ai parlé de certaines erreurs judiciaires et de ce que le droit criminel recherche. Par contre, le droit criminel d'aller un petit peu plus loin que ça aussi. Je vous dirais, il y a eu un peu une révolution en 1982, l'adoption de ce qu'on appelle la Charte canadienne des droits et libertés. À partir de ce moment-là, ce qu'on tente de faire, c'est le code criminel, il donne des règles à la population, des règles de conduite. Ça a évolué au cours des années. Évidemment, il y a des choses qui étaient criminelles avant qui ne le sont plus aujourd'hui. Mais ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Oui, ça reflète les valeurs de l'époque. L'avortement, autrefois, c'était criminel. L'homosexualité, c'était criminel. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il y a des choses qui deviennent criminelles avec le temps, où il y a des mouvements politiques, par exemple, qui font que, par exemple, aujourd'hui, l'âge de consentement pour avoir, exemple, une relation sexuelle, c'est monté de 14 à 16 ans. Oui. Les conservateurs, semblent de vouloir criminaliser certains comportements qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Bon. Augmenter les peines aussi. Oui, augmenter les peines. Bon. Ça, c'est le code criminel. Par contre, il y a eu une autre préoccupation, puis au cours de l'histoire. On comprend que la police, c'est peut-être un mal nécessaire. L'État se donne la mission de protéger les gens contre les criminels. Mais au cours des années, je pense qu'on a tous constaté qu'à travers les pays et à travers les époques, il y a toujours eu un peu d'exagération. Il y a toujours pu y avoir d'exagération. Le pouvoir, on dit souvent le pouvoir corrompt, puis le pouvoir absolu corrompt absolument, mais lorsqu'on donne des armes à feu et un statut à des personnes, exemple, les corps de police, il peut y avoir des abus, puis il y a toujours eu le problème de qui police la police, qui surveille la police, et je dis pas ça pour dénigrer, en fait, le travail des policiers je pense qu'ici au Canada, au Québec, on est chanceux de pouvoir compter sur des institutions qui sont efficaces, qui sont intègres, mais bon, par contre, il y a des individus qui abusent encore de leur pouvoir. Ça vient avec la fonction, avec le pouvoir qu'on accorde aux policiers. Puis je vous dirais, si on est aujourd'hui, si on a autant confiance dans nos policiers, c'est aussi parce que on a voulu les encadrer, on a voulu mettre des balises dans le travail des policiers. Si vous regardez là, dans les pays, même aujourd'hui, on est minoritaire là, comme pays où on peut avoir la confiance qu'on a dans nos policiers. Je vous dirais, à travers les époques, les policiers, ou ce qui constitue l'État ou l'armée, ou peu importe, chaque pays a sa... L'autorité. A sa forme d'autorité, effectivement. Mais il y a eu de l'abus. Les gens ont beaucoup plus peur de la police que de quelconque criminel ou organisation criminelle dans la plupart des pays, puis dans la plupart des époques également. Là. Ce problème-là, malgré le discours qu'on peut entendre aujourd'hui qui dit que, par exemple, on est les criminels font la loi puis qu'ils ont trop de droits, puis ce que les gens réalise peut-être pas, c'est à quel point la police, l'État, l'armée bénéficient aujourd'hui avec les innovations technologiques de pouvoir d'intrusion dans la vie privée des gens qui sont énormes. Et l'adoption de la Charte des droits et libertés au Canada, elle a été, je dirais que les gens, ceux qui en ont fait la promotion, voyaient un peu ça venir. Là. Aux États-Unis, la Révolution américaine a été un peu après la Révolution des années 1776, on a adopté la Constitution américaine et on a adopté des droits à un procès équitable, des droits à la vie privée, des droits de ne pas être dérangé par l'État, les policiers, ils n'ont pas le droit de se présenter chez vous, de venir fouiller dans vos choses. Pour rien. Nous. Pour rien. Ça prend des motifs. Et aujourd'hui, avec toutes les caméras qui peuvent être installées, avec tous les moyens qu'ils ont de surveiller nos allées et venues, on voit aujourd'hui, ils peuvent installer des beepers sur votre dans votre véhicule. On peut suivre, vous êtes des amateurs de technologie, votre iPhone peut révéler votre Il y a une nouvelle qui est sortie là-dessus sur les téléphones Android cette semaine qui peuvent Est-ce que c'est... Ouais? C'est des rumeurs, en tout cas. Ben moi, je suis convaincu que... Ouais, c'est sûr que si tu veux savoir... Ce que vous faites de votre temps libre sur votre ordinateur, si les gens, les gens qui croient que c'est pas documenté ou que... Que c'est privé. On parlait même de... Je pense que je crois que même des compagnies privées comme Facebook vendent ces informations-là. Et puis, c'est sûr. Bon, c'est bien évident que le gouvernement... par exemple, le gouvernement américain qui a des moyens faramineux a sûrement accès à une multitude de données qui font en sorte que le concept de vie privée, là, s'il n'était pas protégé par certaines, certaines règles qui vont au-dessus de la police, on n'en aurait pratiquement pas. Sauf que pour les gens aujourd'hui, je pense qu'on a des difficultés à comprendre que, par exemple, l'adoption de ces chartes-là faisait suite à un constat. C'est qu'on se disait, est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, puis je vous dis pas que c'est des choses qui se produisent encore aujourd'hui, mais pour éviter que quelqu'un soit battu pour obtenir un aveu, par contre. Par exemple. La torture. Oui, la torture. Bon, il y en a encore qui, dans plusieurs pays. Il y a même des débats au Canada à savoir est-ce qu'on peut bénéficier des informations qui sont obtenues par la torture. Ça m'a étonné cet été. Le gouvernement conservateur disait qu'ils ont adopter une directive ou une loi qui leur permet maintenant de bénéficier des informations obtenues sous la torture, dans certaines conditions, dans la mesure où ça menace les intérêts du Canada ou des choses comme ça. Ça, c'est une régression par rapport à ce qu'on a voulu faire en adoptant ces chartes-là. On a voulu aller... On a réalisé que dans la mesure où le droit ancien était à l'effet que, bon, la vérité, c'est la vérité. Si une personne a avoué avoir commis un crime, ben son aveu, ben on va l'accepter, puis on va condamner cette personne-là. Si le policier a mal agi, ben il sera sanctionné devant les organismes disciplinaires ou par son employeur ou ces choses-là. Ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est que ça fonctionnait pas. Il n'y a pas de recours. Les gens qui sont accusés déposent pas de plainte. Lorsqu'on dit que la preuve, lorsqu'on dit aux policiers, toute preuve, peu importe la façon dont vous l'obtenez, sera admissible devant les tribunaux, veut pas, c'est ce message-là qui a été compris. Et il y a des juges même qui n'étaient dans des manuels de formation de policiers à l'époque, dans les années 60, des années 70, où on disait, écoutez, essayez de respecter la loi, mais quand ça ne fonctionne plus, l'objectif étant d'arrêter le dangereux criminel auquel on a affaire. Tranquillement, il y a des juges qui développaient pour des raisons de fiabilité, par exemple. On disait, s'il y a eu une menace ou s'il y a eu une promesse de faite à une personne, peut-être que son aveu ne serait pas admissible devant le cours parce que son aveu ne sera pas fiable. Mais... on a voulu aller encore un petit peu plus loin que ça. Et c'est là qu'on a adopté la Charte des droits en 1982, suivant un peu l'exemple américain, où on a dit, et c'est ça qui est un peu révolutionnaire, c'est que si les policiers ne suivent pas les règles qui leur sont imposées, ne respectent pas les droits des citoyens, même des preuves qui seraient concluantes de culpabilité, qui ont été obtenues de façon illégale ou immorale d'une certaine façon, pourraient être exclues. Et donc là, on peut acquitter quelqu'un alors qu'on sait pertinemment bien que cette personne-là est coupable. Et ça a été fait dans des causes de meurtre, ça a été fait dans des causes de trafic de stupéfiants, des causes de gangstérisme. C'est un volet qui est plus difficile à comprendre pour les gens en général, parce que les gens disent... Il l'a fait. Pourquoi il n'est pas, pas connu coupable? C'est ça. En fait, les gens font... Mais je pense que là, il faut référer à des valeurs qui sont autres. Bon, je pense que c'est important pour les policiers. Premièrement, l'exemple qu'on donne. Lorsqu'on dit aux gens respecter les lois, les policiers ne les respectent pas, ça envoie un drôle de message. L'exemple n'est pas vraiment là. L'exemple n'est pas vraiment là. Mauvais exemple. Et jusqu'à quel point ça n'encourage pas des gens à dire à perdre tout respect pour le système, à se considérer comme à perdre. En fait, on peut perdre le bébé avec l'eau du bain dans un certain sens. En perdant le respect pour les policiers ou en considérant que les policiers ne respectent rien, ça incite les gens à ne rien respecter. Ça a un effet d'entraînement. Puis, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis 1982, depuis l'adoption de la Charte, ici au Canada aussi, il y a eu un autre problème qui était que le contexte politique dans lequel la Charte a été adoptée et qui a eu pour effet de... peut-être amener les gens à avoir une mauvaise perception, particulièrement au Québec, parce que ça s'est fait à l'époque du rapatriement de la Constitution. Donc, il y avait tout le débat entre les fédéralistes et les souverainistes. Et c'est le premier ministre Trudeau qui avait comme un peu imposé, qui avait, pas juste un peu, qui avait imposé une Constitution au Québec. Et ça a eu pour effet de soulever, en fait, beaucoup d'indignation du côté du Québec. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que les valeurs qui étaient recherchées par la Charte des droits sont des valeurs qui faisaient pratiquement l'unanimité à l'époque. Même du côté québécois, on reprochait au gouvernement fédéral de le faire de façon unilatérale, mais au Québec aussi, on avait adopté une Charte des droits qui est provinciale. Et l'effet, je dirais, bénéfique d'intégrer cette Charte-là dans la Constitution du Canada, ça a été de... permettre aux tribunaux, justement, vu que c'était la Constitution, c'était au-dessus des lois, d'examiner ce qui était fait par les policiers à la lumière de ces principes-là de mettre des dents, je dirais, à ces principes-là. Et je pense que ça a eu des effets bénéfiques. Et quand on regarde ce qui est arrivé au point de vue technologique depuis cette époque-là, je pense que c'était même essentiel qu'on ait quelque chose comme ça. Je vais vous donner un exemple qui est l'article 8. Vous voyez l'article 8 de la Charte. Attendez un petit peu. Il y a beaucoup de textes là-dedans. C'est comme la Bible. C'est-tu l'Ancien Testament? Oui, pratiquement. Ça ressemble à ça. En fait, dans toutes les... attendez un peu, je sais pas si je suis dans la bonne... je pense que je suis dans la Charte québécoise, justement. C'est quoi la grosse différence entre les deux? Laquelle a prédominance? En fait, ce sont de drôles de lois, parce que ce sont des lois qui s'appliquent aux législateurs. Normalement, une loi dit aux citoyens, dirige les citoyens, met des normes envers les citoyens. Lorsque le Québec a passé sa charte, avant la Charte canadienne, on disait, si nos propres lois sont incompatibles avec ça, elles pourront être, d'une certaine façon, invalidées par cette loi-là que nous passons. Excusez-moi. Qui passe par-dessus... qui permet d'interpréter, en fait, toutes les autres lois et tous les comportements du gouvernement. Par exemple, je ne sais pas, moi, justement, le comportement d'un inspecteur ou d'un policier qui débarque chez vous et qui veut inspecter vos biens. Lorsqu'on en a fait un principe dans la Constitution du Canada, là, ça s'applique à toutes les provinces, à toutes les municipalités, à toutes à tous les gouvernements. Et ça ne peut pas être changé à moins qu'il y ait pratiquement l'unanimité. Il y a des formules d'amendement de la Constitution, mais comme on le voit, ça se fait pratiquement jamais parce que c'est trop compliqué à le faire. Donc, ça a comme sacralisé, je vous dirais, ces droits-là. Et ça les a clairement mis au-dessus de toute tentative du gouvernement. Par exemple, il y a eu... actuellement, le gouvernement fédéral a tenté de rendre automatique, par exemple, l'ivresse-o-mètre. Que la preuve d'un ivresse-o-mètre, autrefois, on pouvait l'attaquer avec toutes sortes d'expertise, de chimistes. Le gouvernement tente actuellement d'éliminer la possibilité d'attaquer un test d'ivresse-o-mètre. On a adopté une loi qui, à toute fin pratique, rend ce test-là inattaquable. Bien, invoquant la Charte des droits, il y a plusieurs accusés qui sont montés jusqu'à la Cour suprême du Canada, qui a entendu la cause l'année dernière et qui va rendre une décision là-dessus. Et on dit, est-ce que ça viole le droit à la présomption d'innocence? Qui est un droit qui est protégé par la Charte des droits? Est-ce qu'il y a des innocents qui vont être condamnés? Nous, on prétend qu'il y a des... Il y a des failles, que ces machines-là, ces appareils-là ne sont pas infaillibles. Il y a plusieurs démonstrations qui peuvent être faites, même qu'un appareil qui est bien utilisé... Peut donner un mauvais résultat. Donc, on dit il va y avoir un certain nombre d'innocents qui vont être condamnés qui ne pourront jamais démontrer leur innocence. Et là, la Cour suprême évalue ça à la lumière du principe de la présomption d'innocence et pourrait même en venir à dire que la loi comme telle que le gouvernement fédéral a voulu passer est invalide. Lorsque le jugement va sortir, je vous annonce tout de suite que si jamais c'est ce que la Cour suprême fait, vous allez voir la réaction médiatique. Les gens vont dire, c'est ça, les criminels, on peut plus légiférer, les criminels... La première page du Journal de Montréal, là, ça risque d'être pas mal ça. Mais vous irez à la page de M. Martineau. Il va tout vous expliquer ça. Oui, c'est un expert. Un professionnel de l'information. Alors, on peut prendre une petite pause musicale, si ça vous dérange pas trop, M. Lebrun. Pas de problème. On va entendre la descente du coude et la pièce « L'état de la langue d'État », juste parce que le mot « état » dedans. Ah. C'est le lien d'aujourd'hui. J'ai tendu la langue au docteur en linguistique qui voulait comprendre les mots que j'ai. De ne plus sortir. La descente du coude est l'état de la langue d'État. C'est bien ça sur l'album L'idéal en civière. Eux autres, puis là, drôle d'affaire. Là. Toujours dans la chronique de Michel Lebrun, qu'on pourrait appeler aujourd'hui Michel Lebrun. Je m'étouffe. Ça, c'est drôle. Hein? C'est non seulement parce que c'est drôle, mais parce que je m'étouffe aussi. C'est juste... ouais, l'un ou l'autre, je sais. Donc, on était en train de parler de la Charte des droits et libertés, de plein de choses comme ça. Et puis, on était rendu où là-dedans? Ben, écoutez, j'essaie de faire un peu de la nuance entre ce que cette charte-là qui était adoptée en 1982 permettait de faire par opposition aux chartes qu'on avait au Québec aussi. Puis peut-être la grosse différence, c'est que la charte étant la Constitution, comme je vous dis, elle ne peut pas être changée. Et il y a un mécanisme de sanction, je dirais, pratiquement automatique. Là, ben, pas automatique, mais... qui permet d'aller au-delà de ce que, exemple, un agent de l'État peut faire. Un juge peut... Autrefois, une police représentait le pouvoir. Un policier représentait le pouvoir. Il était devant lui. Il rapportait des faits. Aujourd'hui, le juge a le droit de lui demander comment il a fait pour obtenir ces faits-là. Et il peut sanctionner. Il peut refuser de recevoir ce que l'État tente de mettre en preuve contre un accusé à cause que la Constitution lui interdit de le recevoir. C'est ça. Est-ce qu'il y a des sanctions, par exemple, si... prenons l'exemple d'un policier qui outrepasse un peu la Charte des droits et libertés pour y arriver à ses fins. Est-ce qu'il est sanctionné, lui, de son côté? Non, c'est juste les accusations qui peuvent tomber, puis... Il peut y avoir des... Il y a des organismes disciplinaires qui régissent les policiers. Moi, je peux porter plainte si je suis attaqué par un policier dans le cadre de ses fonctions ou qui outrepasse ses pouvoirs. Mais c'est un processus qui peut être long, qui peut être laborieux, mais... dès que je me retrouve accusé devant les tribunaux, je peux remettre en cause le travail qui a été fait par le policier. Okay. Puis ça peut conduire un juge à exclure des éléments de preuve. Donc, c'est cet élément-là de plus que la charte a permis d'amener. Puis je vous parlais peut-être avant la pause de l'article 8 que je cherchais, mais que je viens de trouver. Ça dit ceci. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. C'est un petit paragraphe qui est très court, qui est très simple à lire, mais qui fait l'objet de milliers de décisions depuis 1982 lorsqu'on parle de la notion de vie privée. Là. Ça a été interprété comme étant de protection de la vie privée des gens. Donc, avec l'explosion des moyens technologiques, on en a parlé, ce que l'État peut faire maintenant pour vous surveiller, on peut aller en hélicoptère par-dessus votre maison pour voir ce qui se passe au moyen d'imagerie thermique. On sait que ce n'est pas dans votre maison, c'est correct, puis ils peuvent le faire, c'est ça? Ben, c'est discutable. Nous, on discute beaucoup de ces choses-là. Par exemple, les imageries thermiques. Par exemple, une chose que moi-même, je débat actuellement, le droit de poser une caméra de l'autre bord de la rue de votre maison. Les procureurs de la couronne qui invoquent cette possibilité-là disent, écoutez, un citoyen a le droit de passer dans la rue. Mm-hmm. Un citoyen peut s'arrêter devant chez vous. Fait que nous autres, on fait la même chose, mais on pose une caméra, qui est une caméra cachée. Qui est là en permanence. Puis elle filme 24 heures sur 24. Il y a des pays où c'est comme ça partout. Tous les coins de rue sont surveillés au Royaume-Uni, je pense que c'est comme ça. En tout cas, dans les rues, dans les endroits publics. C'est ça. Mais là... Devant chez vous, c'est on pourrait c'est le faire. Ben justement, si on le fait devant chez vous, on est dans un endroit public, mais si on dirige la caméra vers votre porte d'entrée, on peut ou savoir... votre chambre à coucher. Qui entre, qui sort, on peut tout savoir ça. Ben, juste savoir qui entre et qui sort. Mm. Est-ce que c'est une invasion de votre vie privée? Moi, je prétends que oui. Actuellement, en 2012, la poursuite prétend qu'elle pourrait faire ça. Quand on pense à toutes les informations que ça peut révéler, quand on pense à tout le pouvoir que la technologie nous donne aussi, parce que c'est bien beau dire on aurait le droit de s'installer dans un auto puis de se stationner en avant de chez vous puis regarder ça, mais mettre une personne... Faire 24 heures sur 24. On peut pas mettre une personne 24 heures sur 24 devant chaque maison. Non, mais c'est... avec la technologie aujourd'hui, on peut mettre une caméra. Ça coûte rien, ça coûte presque rien. On peut la cacher. Et la conséquence de cette intention-là du gouvernement qui est possible de faire aujourd'hui parce que dans les années 60, on pensait même pas qu'on pouvait installer des caméras de cette ampleur-là. Mais aujourd'hui, c'est plus que faisable. Ben, ça crée, pour moi, c'est un débat qui doit être fait et les tribunaux doivent se pencher là-dessus. Puis peut-être mettre. Si on considère que. Mettre des balises. Ben oui, parce que avec qui vous êtes, qui vous visite, ce sont une multitude de choses qui peuvent ouvrir la porte à toutes sortes de conséquences inattendues. On peut il peut y avoir du chantage. On peut. Ah, tout à fait. Supposons que la police. Vous avez rien à vous reprocher, mais la police aimerait ça que vous disiez ce que vous savez sur une personne qui les intéresse. Qu'est-ce qui nous dit qu'avec les informations qu'une caméra comme ça pourrait révéler, ils pourraient pas vous mettre devant un choix un peu difficile à faire? Puis ce que je dis là, c'est pas de la science-fiction, là. C'est des choses qui se produisent dans la vie de tous les jours. Alors, vous associez à des personnes qui... ça peut être ton frère, ça peut être ta mère. C'est ça peut être ton ami, tout simplement. Ben, exactement. T'as rien à voir avec... Donc, jusqu'où... je pense que c'était essentiel que des mesures comme ça encore vraiment soient adoptées parce que l'explosion technologique ajoute... Là, l'État a toujours été assez insistant, a toujours voulu savoir ce qui se passe dans les chambres à coucher des gens. Big Brother, Big Brother, un petit peu, ouais. 1984, c'est un film, c'est un livre, il y a eu un film également, mais lorsqu'on le relit aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez troublantes parce qu'on regarde les parallèles qui peuvent être faits avec ce qui se passe aujourd'hui. Là. Tellement. Fait que c'était ça qui était mon... Hey, très intéressant. Merveilleux, très bon. Toujours très bon. La chronique de Michel Lebrun, on le retrouve mardi prochain à 8h avec une autre chronique. Pour l'instant, on se quitte avec une pièce très à propos et écoutez les paroles, pour vrai, c'est très à propos. C'est Grimmskong, voici Souriez, vous êtes filmé. C'est bon. We'll be right back. retour, David Ferron met sa langue dans l'oreille de Franco-Ontarien. Je pensais que t'allais dire mon nom. François? Non. Est-ce que tu viens d'Ontario? Non. Non, mais tu vas en Ontario souvent. Ton père? Ouais. Ouais. Bon, laisse faire. Mais Franco-François, ça se ressemble. Yeah. Ouais, finalement... On va poursuivre. On va aller un peu, mais... Ah, ouais. OK. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan de demain à assemblage requis. Angie Durocher nous pointera ses coups de cœur avec son index. Jasmine Raymond-Dreville nous présentera les nouvelles de la GQTA et la chronique de Maxime Bilodeau sur la culture sportive demain dès 7h à assemblage requis. Ça va lui parler, David. Ah, quand je parle aux gens à la maison. Oh. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Lui, c'est François-Louis Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, là, David, ça pourrait être le moment. Là, David, prends un micro. Là, tu pourrais parler, mettons. Le 3. C'est celle-là? Ouais. Ah, c'est lui. Allô, allô? Chaque semaine, salut. C'est différent. C'est jamais à la même place, jamais sur le même micro. Ça se déstabilise, hein? T'es un instable. T'es un élément instable de l'émission, mais on t'apprécie quand même. Non, je suis versatile, c'est pas pareil. Comment ça va ce matin? Ben, très bien. Comme la semaine passée, j'ai... Non, t'as pas l'air pas en tout pareil comme la semaine passée. Ah non? La semaine passée, t'avais l'air d'un zombie. Ouais, tout à fait. Et là, j'ai l'air normal. Ouais, tout à fait. Ah, ben t'as l'air bien reposé ce matin. Oui, je suis frais dispo. Bon. Sauf que j'ai pas bu de thé, fait que je me suis pas adonné au tea bag à matin. Non. Vous êtes troublés, les Call gars. Call back! Call back, Devlina. J'espère que les enfants sont à l'école. 8h30, peut-être. Phew. Mais bon, en fait, aujourd'hui, je suis venu vous parler de quelque chose de très important. Okay. Dont plusieurs Québécois sont pas au courant. Parce qu'en Ontario, il y a de la musique. Ça, tout le monde le sait. Oui. Mais en plus, il y a de la musique francophone super bonne. Oui. Hein? Fait que ça veut-tu dire, si je comprends bien, que c'est le moment d'insérer la langue dans ton oreille? Exactement. La langue dans ton oreille. C'est le fun, s'amuse, Mathieu, comme un enfant, c'est le fun. J'adore ça, voir ton beau sourire avec ton chandail Chiptoons. J'ai un chandail de Mario, de champignon de Mario aujourd'hui. Ça te fait bien. Oh, Mario Bros. Mario Bros. Donc, wow. David Ferron, aujourd'hui, les Franco-Ontariens... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais. Oui, ben en fait, il y a 3 groupes et artistes franco-ontariens qui ont fait des trucs vraiment bons, mais c'est avant, les seuls, hein? Non, il y en a plus que ça. Ben il y en a plein, mais c'est juste parce que j'ai pas le temps, vous me donnez pas le temps, vous me donnez juste 15 à 20 minutes. Ben oui, c'est qui? Tu devrais avoir une émission d'une heure, mettons, qui s'appellerait La langue dans ton oreille, mettons. Ah, ben oui, c'est moi qui ai tiré la blog moi-même. C'est bravo, ça. David, on applaudit. C'est toi qui as compressé ça en le quart du temps, tu sais. Oui, exactement. Mais c'est pas grave, c'est bon, pareil. Ben oui. Puis tu sais, moins il y en a, mieux tu l'apprécies. Exactement. David Ferron. C'est comme le vin. Tu sais, t'es mieux d'en boire moins pour mieux apprécier le goût du vin. Voilà. Et voilà. Et pourquoi je parle d'artistes franco-ontariens? C'est que la semaine dernière, le 25 septembre, c'était la fête du drapeau franco-ontarien. Juste la le fête drapeau. Du drapeau. Oui, c'est la fête du drapeau qui est quand même un symbole vraiment important dans l'identité du franco-ontarien parce qu'à l'intérieur de l'Ontario, il y a un drapeau pour les franco-ontariens qui est vraiment beau. En fait, comment c'est fait, vite, c'est que c'est divisé en deux parties. T'as la partie blanche avec le logo de l'Ontario, puis t'as une autre partie qui est vert avec la fleur de lys pour représenter les francophones de l'Ontario. Ah, d'accord. Il est vraiment beau. Allez voir Google, drapeau franco-ontarien. C'est vraiment un beau drapeau à voir, là. Donc, je vais vous présenter 3 artistes, dont un qui a déjà été dans le palmarès... C'est fou. On te l'a appris ce matin, je pense. Ben oui, j'avais pas regardé comme il faut les décomptes, mais parce que, en fait, la chanson que vous avez diffusée il y a quelques mois, eh bien, le clip, il est sorti dimanche. Oh! Fait que c'est pour ça que je décidais de faire un update sur la toune. Est-ce qu'ils l'ont sorti pour spécifiquement la fête des franco-ontariens? Parce que c'est un drôle d'adon. Ben non, je pense pas nécessairement. C'est vraiment pour continuer à faire... Ouais, c'est un bon timing, je dis. Ben oui, ça donne bien. Ben c'est sûr que la fête franco-ontarienne en Ontario, c'est pas une fête qui est comme, mettons, notre Saint-Jean à nous. Là. Non, c'est pas aussi gros. C'est pas le même ampleur. Dans les écoles, oui, c'est là, par exemple, les élèves s'habillent en... en vert et en blanc. Il y a des festivités aussi par les organismes communautaires aussi. Mais francophone, j'imagine. Oui. Sinon, anglophone, ça doit passer un peu plus inaperçu. Ben, je connais moins peut-être que des associations francophiles qui doivent peut-être le souligner. Francophiles, mais... oui, ceux qui... Qui sur le français. Ouais, exactement. Ben, en fait, les francophiles, c'est ceux qui sont pas nécessairement d'origine francophone, mais qui aiment la langue française et la culture francophone. Ouais. Parce que c'est tellement une belle culture. Oui. Alors là, parlant, c'est ça, du groupe dont on parlait, puis on n'a même pas encore nommé, c'est le Mehdi Cayenne Club. Spécial comme nom, à chaque fois qu'on le prononce, on fait comme, attends un peu, est-ce que je le prononce comme faux, mais c'est ça. Mehdi Cayenne Club. Ou le Mehdi Cayenne Club. Ou club, oui, c'est ça. Avec le petit accent français, mais... Ce groupe-là, comment le définir? J'ai écouté leur album Luminata qui a été publié il y a un an et demi. Puis j'ai de la misère à le définir parce que c'est très varié, c'est folk, il y a de l'alternatif, il y a de la pop, il y a de la funk là-dedans. Mais selon le groupe, comment eux se définissent? C'est que pour eux, le groupe sert à rêver, danser et réfléchir. Mehdi Cayenne Club, c'est le calme et puis la tempête. Oui, parce qu'il y a vraiment dans leur album des chansons plus calmes, plus douces à la guitare, puis d'autres qui brassent davantage, d'autres qui sont plus planantes. Bref, c'est un beau melting pot qui a l'air assez diffus, mais quand on l'écoute, c'est vraiment très cohérent. C'est vraiment un album qui réussit. Et là, on sait bien qu'il est sorti un clip. Là, même si leur album est sorti il y a un an et demi, parce que ça continue quand même à permettre à l'album d'avoir une belle durée de vie, à continuer à faire des spectacles. Ils font encore des spectacles. Ouais. Mais ça refait reparler d'eux. Et nous, on n'a jamais reçu l'album de Mehdi Cayenne Club ici, donc on le fait pas jouer. Puis ça fait que là, on va s'en rappeler. Puis peut-être qu'on va vouloir se procurer l'album pour le faire jouer. Oui, puis justement, ils ont sorti le clip au Canada. Au Canada, qui a été une chanson qui a été dans le décompte, c'est fou. Oui! Puis je le savais même pas. Ben, je suis même inculte. Ouais. Ben non, mais c'est parce qu'il y en a tellement des chansons dans le palmarès. Ben oui. Ah, enfin, ben oui, c'est vrai, je m'en rappelle, j'avais écouté, puis il me semblait là, tout me disait, ah, ben oui, je sais pourquoi, c'est ben pas oui, géré. Fais comme si, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je m'en rappelais vaguement, mais ouais. C'est que, en fait, le clip est sorti dimanche. Et allez voir le clip, c'est simple, mais en même temps, comment c'est filmé, les jeux de couleurs et tout ça, c'est bien. J'ai vraiment adoré le clip. Ça a l'air simple, ben cheap, mais comment c'est fait, c'est vraiment wow! On passe vraiment le bon moment. Donc là, on va écouter la chanson au Canada, mais pas comme la chanson au Canada comme on entend dans les matchs de hockey. Non, le au Canada à la Mehdi Cayenne Club. On écoute ça tout de suite dans la langue dans ton oreille avec David Ferron sur les ondes de C'est fou, 89.1. Ouais. Fame, play. Ajoute. Et du C'était le Midi Cayenne Club avec Au Canada. Et maintenant, nous allons parler d'un autre groupe franco-ontarien. Oui, parce qu'on parle de deux groupes ou d'artistes franco-ontariens dans la chronique. La langue dans ton oreille. El lengua en es... Oreles. Il essaie de parler en espagnol. Si, señor. Yeah. Un poquito espagnol. Oui. Mucho francés. Oui. Revenons à nos moutons. Yes, sir, yes. Ben, parlons franco-ontarien. Alors, je vais vous parler d'un groupe en émergence qui s'appelle Acouphène, qui a été fondé en 2008 et dont les membres ont été formés, reformés. Il y a quand même un noyau qui est assez solide quand même. Et eux, depuis 2008, ils ont participé à des concours comme le Festival international de la chanson de Granby. Ils ont été demi-finalistes pour le concours en 2010. Ils ont même, en 2011, sorti un maxi dont est sorti Fausses accusations. Allez voir le clip, c'est vraiment quand même bien fait. C'est low budget, mais c'est bien fait. C'est très professionnel. Puis c'est quand même un bon son. Puis il y a eu, ça n'a pas été un gros hit, mais ça a été une belle porte d'entrée pour le groupe. La chanson Fausses accusations est là. Sont généreux cette année parce qu'en novembre, il va sortir un maxi. Je connais pas encore le titre, mais ils vont sortir un maxi dont est tirée la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, c'est-à-dire l'Acouphène. Donc, pas trop compliqué, le groupe Acouphène sort la chanson Acouphène. Mais le groupe l'écrit d'une drôle de façon, alors que la pièce, c'est juste l'Acouphène écrit comme ça devrait. Oui, exactement, parce que le groupe Acouphène s'appelle A-K-O-U-F-E-N, avec un N majuscule. Puis un accent grave celui-là. Oui, exactement. Donc, c'est si ça. Vous tapez sur Google ce que vous allez faire après la chanson, je suis sûr, bien, ça s'écrit comme ça. Et là, en plus de sortir un maxi encore cette année en 2012, novembre, ils vont sortir un album complet en 2013. Ils sont performants. Oui, c'est ça qu'il faut. Puis leur carrière va bien, ils ont des tournées puis tout. Donc, c'est un groupe en émergence dont j'espère que les gens vont connaître davantage au Québec et à Trois-Rivières. Tu sais qu'Acouphène, c'est l'affaire que t'as dans l'oreille qui fait que ça sonne tout le temps, tu sais. Ouais, exactement. Moi, ça sonne déplaisant comme mais, nom de band. Ben, c'est comme quelque chose que j'ai dans l'oreille. Ben, un Acouphène, c'est jamais, comme tu dis, c'est jamais plaisant. C'est là, ça. Là. Je sais pas. C'est, oui, c'est ça, comme mais... David. C'est ça. Je suis un Acouphène pour toi. Non, mais t'es comme jamais plaisant. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon c'est pas âme vrai. Pleure et mon ben, cœur saigne. C'est pas vrai. T'as encore le sourire. C'est ça. Je te trouve joli ce matin. Juste un matin, c'est ça. Juste un matin. Tu vois, François me trouve joli juste un matin. Ça, là, ça, c'est une façon de penser de fille. Excuse-moi, là, ça, mais. C'est vrai. Tu sais, quand tu dis à une fille qui est belle, elle va dire c'est quoi, tu me trouves pas belle d'habitude? Hey, ta gueule, là. Hey, Mathieu, je t'en rappelle pas, Yves-là, si moi, t'avais fait ça, hein. Je remets sur le coup ce que je dis. Ah, non, ben non, je te pardonne, puis 6 mois après, je te le remets d'en face. C'est ça. Ben non. J'en ai manqué un bout, je pense. Okay. Mais ouais, OK. Je vais réécouter la balado. Oh, oui, en fait, on va écouter. Pas de chance. Mais en fait, pour comprendre quand même. Pour revenir à Acouphène, pourquoi il a appelé ça Acouphène, c'est juste pour dire que le son sonne comme de la brique. C'est vraiment là. Mais c'est comme un buzz dans l'oreille de Acouphène, c'est comme. Ben ça fait un buzz dans votre tête, mais c'est agréable d'entendre. Vous allez aimer ça. Moi, qui aime pas tant que ça, honnêtement, le métal, le punk et tout ça, je trouve ça vraiment bon. Okay. Ils m'ont fait initier au... En fait, c'est un groupe, je dirais, eux, ils se définissent comme métal mélodique alternatif. Et eux, leur trip, c'est que c'est de voir du monde s'amuser en se pétant la fraise dans un moche durant un live. Un moche, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Un moche pit. Oui, exactement. D'un c'est pas un champignon, ça? Non, non, non, non. C'est pas de la drogue. Arrête d'en prendre. Hey, de la violence. Arrête d'en prendre. C'est pas bien. Donc, le moche, je me rappelle bien, c'est quand les gens se bousculent dans un show de métal. Ouais, c'est ça, je pense. Puis il paraît que c'est vraiment magique comme effet. J'ai jamais vécu ce moment-là, mais il paraît que c'est quelque chose, c'est pas trop trash, mais. Je peux te pousser si tu veux. Non. Pas François-Olivier Marchand. D'autres personnes, oui. Donc là, on va écouter. Mathieu, pousse. Oh. On peut essayer, mais là, on va écouter le groupe Acouphène avec la chanson Acouphène. Ben, il est pas à peu près temps qu'on la parte, cette chanson-là. Oui. Parce qu'elle a un moment awkward. Buzz dans l'oreille. Yeah. C'était la chanson L'Acouphène du groupe franco-ontarien Acouphène. Vraiment, si vous n'êtes pas réveillé, j'espère que vous êtes réveillé parce que ce groupe-là sonne vraiment comme une tonne de briques. Procurez-vous dès que ça sort leur maxi qui va sortir au mois de novembre et même encore mieux, plus acheter leur album complet en 2013 parce que je suis sûr que ça va être un bon groupe de métal. En fait, excusez-moi, de métal, mais ça va pas bien matin, je suis pas réveillé. C'est quand même accessible. Ben oui. C'est ça, c'est dur, mais en même temps, c'est mélodique, puis c'est pas trop « Ah, ben là, faut que j'essaie de comprendre le message là-dedans. Mm-hmm. » C'est facile, mais en même temps, c'est bien fait, c'est bien structuré. J'adore ça. Exactement, c'est pas des paresseux ou encore des acouphénéens. Oh! Wow! Mathieu, c'est trop drôle. Comment tu le trouves, toi, Mathieu, ce matin? Ah, écoute, hein, il est en feu, là, ce matin. Écoute, il, jeu de mots après jeu de mots, blague après blague, fourrir après fourrir. Oui, c'est ça, exactement. On est toujours avec David Ferron. Mais rebonjour. Oui, il fait sa chronique La langue dans son oreille. Il nous reste un dernier choix, un autre artiste franco-ontarien à aller entendre. Oui, je vous présente une institution parmi une les... Une institution. Une comment? Une incision, je pense qu'il essaie de dire. Eh, j'ai dit, non. C'est parce une que ça institution? Va, institution. Good. C'est ça, OK, parfait. Tu veux-tu pratiquer avec un crayon dans la bouche? OK, ouais, j'ai essayé. Voilà. Institution. Ben, ça sonne mieux un peu, mais... Bon, garde le don, voilà. Ouais. Garde le crayon. Il est okay. À toi, c'est ça. Je te donne. OK, et là, je vais faire mes cours de prononciation en vous présentant quelqu'un qui... On a compris la blague! OK, j'arrête. Bon, revenons à nos moutons. Je vais vous présenter un artiste très important au niveau des chanteurs franco-ontariens, Robert Paquette. Ça, là, il articule bien. Oui. Il a marché le crayon, finalement. Oui, hein? Enfin... Donc, qui est Robert Paquette? Robert Paquette, c'est lui qui a sorti, je pense, la pièce Suzanne. Est-ce que je me trompe? Exactement. Ah oui. C'est pas lui dans la chanson Paquetteville, Paquetteville. Non, ça c'est Edith Butler, puis c'est en Acadie. C'est pas le même endroit, ni la même personne. Mais c'est hors Québec. C'est oui. La francophonie hors Québec. Ben oui. Puis aussi que c'est pas Québec, ben c'est tout pareil. Non, mais ben, t'es acadien, t'es franco-ontarien. Je fais mes chroniques pour rien, vous comprenez rien. On essaie. Ou on comprend tout. Puis on te niaise. Ah, ben... En fait, qui est Robert Paquette? Si vous aimez Michel Rivard des années 70-80, vous allez adorer Robert Paquette. Si on n'aime pas... Même si vous n'aimez pas Michel Richard, vous allez aimer Robert Paquette. Michel Richard? Rivard. Hey, ça va bien mal à mettre. Si vous aimez pas Michel Richard, hey, ça va être un meilleur moment, c'est fou, je pense. Je sais pas, hein? Je sais pas. Ça va pas bien. Si vous écoutez Michel Richard, arrêtez... Rivard, voyons! Oui, non, non, c'est ça, je l'ai dit, Michel Richard, la madame avec des taches de rouille. OK. Si vous écoutez Michel Richard, arrêtez de l'écouter puis écoutez Robert Paquette. Wow. Bon, ayez vos goûts musicaux davantage aiguisés. Mm-hmm. Aiguisez vos goûts musicaux. Bon. Oui. Donc, Robert Paquette, c'est qui, lui? Ben, c'est un artiste qui est quand même très polyvalent. Pourquoi? Ben, c'est un professeur, il a fait des trames sonores également pour l'ONF, il a également été un des créateurs de La Nuit sur l'étang. C'est quoi ça? C'est un événement musical qui a lieu tard le soir avec des artistes de partout du Canada, qui a lieu à chaque année. Il a été également le fondateur, un des fondateurs, en fait, de la coopérative des artistes du Nord Ontario, dont est issu le groupe Cano, qui est un groupe assez marquant au niveau de la culture canadienne, pas juste franco-ontarienne, mais partout au Canada. Et là, Robert Paquette, sa carrière dans les années 70-80, va quand même assez bien. Il fait des tournées aux États-Unis, il participe à des concours, il fait des tournées également en Europe, dans des festivals importants en Europe. Donc, sa carrière de 70 et 80 va super bien aussi. Là, il a été plus discret, il a fait des albums en duo, il a fait des albums de Noël. Il est davantage discret, mais il donne quand même des ateliers, soit des ateliers de poésie, soit des ateliers de chansons. Il participe également à des événements musicaux aussi. Il reste discret, mais il est quand même très présent dans le cœur des franco-ontariens. Donc là, on va vous présenter un de ses premiers succès qui est issu de son deuxième album « Prends celui qui passe » sorti en pour le mot de tambour, en 1977. Hé, tabarouette, OK, ça date quand même. Vintage. Oui, c'est ça, mais ça vaut la peine parce que c'est quelqu'un qui crie bien, qui compose bien et ça vaut vraiment la peine de l'entendre. Donc, on va écouter la pièce Suzanne de Robert Paquette. Assemblage requis, c'est la langue dans ton oreille. Oui. Tu ne sais plus comment faire. Suzanne, tu vis entre deux mondes. C'était un vendredi quand t'es parti pour aller travailler. Et je me souviens bien de ton sourire. Mais maintenant tu ne dis plus rien. Les choses et les gens t'ont changé. Je t'ai même vu pleurer. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais t'as pas besoin, non, non, non, non, non, de pleurer. Il y a beaucoup d'eau qui est passée depuis ce temps-là. Arrêtons de jongler avec tout ça. Puis viens-t'en donc danser. J'ai 17 ans au printemps. Et si l'automne est arrivé un peu trop vite, mais ça c'est le prix qu'il faut payer. Et si par hasard ou si t'en avais l'envie, prends donc celui qui passe par ici. Ouh, ma belle Suzanne, viens-t'en donc danser. C'était Suzanne de Robert Paquette, tiré de son album Prends celui qui passe, sorti à la fin des années 70. Sûrement que ça s'appelle Suzanne parce que c'est pas mal le nom de tout le monde qui aime cette chanson. Non, c'est pas vrai. Ouais, pas juste ça. Suzanne. Non, non. Il y a une toune qui s'appelle Mathieu. Je sais pas, ça serait quoi? Il doit en avoir plus qu'une. Ouais. Sûr. Sûrement. Mireille Mathieu, je sais qu'elle elle existe. OK, bon. Merci. Je viens de déjeuner. Je croyais avoir un bon déjeuner, mais là, ça remonte à la gorge. Mais c'était bon la première fois, fait. Mireille Mathieu? Non, ton déjeuner. Oui. Laisse faire. Donc, on vient, Robert Paquette, institution franco-ontarienne. Oui, tu le prononces mieux que moi. Je voulais pas te le faire redire. Merci, je vais essayer avec le crayon. Il non. Est rendu où? François Lefri. Oh, wow. Ah, François, il était dans la bouche à David. Là, institution. Ça a l'air meilleur. But. Donc, trois artistes franco-ontariens que tu nous as présentés. Je pense qu'on a quelques scoops pour les prochaines chroniques La langue dans ton oreille, David. Oui, en fait, vous vous rappelez... en fait, je nommerai pas de nom. Je mentionnerai donc, personne. Ça sera pas des scoops. Non, hein? Ben oui. On veut un nom, là. Vas-y. Non. Arrête de niaiser. J'aime faire être agace. OK. En fait, je vais remettre de l'avant un ancien chroniqueur d'Assemblage requis dans deux semaines. OK, cool. Il vous a déjà donné le scoop en ondes. Fait que si jamais vous voulez retourner écouter toutes les émissions depuis le début de la session, vous allez à un moment donné entendre le scoop. Et hey, grâce à lui... J'ai le goût de l'annoncer. Non. Hey, François, un peu de respect. OK. Et même que, petite surprise, il va même mettre de l'avant une artiste qui a joué dans Ouattatatar. Véronique Bannon? Non. Non? J'en dis pas plus. Pensez à jazz. On se regarde, François et moi, puis on attend un peu. Là. Qui c'est qu'il y avait là-dedans? Tout le monde est là-dedans, ça? Chiquan. Non. Chiquan, il fait pas du rock. La blonde à Chiquan? Non, non plus. Non, elle est rendue artiste peintre. Ça, je faisais. Ginette. Non, c'est la mère, ça. Je sais. Hey, mais en passant, celle qui faisait la blonde de Chicoan, première joueuse, c'est plus trop. Oui, exactement. Elle est rendue artiste peintre et elle fait des expositions. Là. Mais son vrai nom, c'est pas Émilie. Non. C'est son, c'est son rôle. Déception. On s'emporte, hein? On s'emporte. Vous allez vous en remettre, les gars. Ouais. Et plus tard, dans une autre chronique, tu as aussi une chronique sur la musique africaine, je pense que tu nous disais. Oui, au cours de l'année, j'ai l'intention de diffuser de la musique de partout dans le monde, c'est des artistes anglophones qui ont fait des chansons en français, des artistes africains aussi de partout. Bref, je veux couvrir le monde à moi tout seul. Je suis mégalomane. Wow! Donc, David Ferron, une autre La langue dans ton oreille la semaine prochaine, mardi, à 8h30. Si vous le voulez. Oui, ben on va s'amuser. Hein, t'sais. Mais oui. Sûrement qu'il va y avoir plein d'autres niaiseries dans cette chronique-là, mais on aime bien ça. Non? Oui. Donc, merci beaucoup, David. On se quitte. On quitte l'émission d'aujourd'hui comme ça. Et puis, demain, ça va redémarrer comme ça. Il y en a un autre qui finit, il y en a un autre qui commence. C'est tout le temps comme ça. C'est à 7h demain matin. Et demain à l'émission, on sera mercredi. On aura donc Anne-Julie Durocher, sa chronique Lailex. Elle va nous présenter ses coups de cœur du moment. Oui, Jasmine Raymond-Dréville va venir nous parler de l'AGE UQTR. On sait très bien, l'Assemblée générale se déroule demain à partir de 13h au 10-12. Oui, et s'il vous plaît, si vous êtes étudiant, c'est très important d'y aller parce que vous payez quand même une cotisation pour que des gens de l'AGE, justement, de l'Association générale des étudiants du TR, soient élus et fassent des trucs autant au niveau culturel, au niveau académique, au niveau financier. Bref, c'est vraiment important que vous puissiez justement savoir qu'est-ce qui se passe au cours de l'année, qu'est-ce qui va se passer aussi. Donc, c'est votre argent que vous investissez. Donc, c'est vraiment important que... Tout va être présent. Oui, je vais être présent. Excusez-moi, mais le micro est parti. Ah, c'est correct. Grande pardon. Pour dire que l'émission se termine bientôt, ça. Ça va être pour ça. Hein? Ben, ça finit de l'eau. Okay. Ouais, ça finit là. Le temps de vous dire qu'on aura aussi notre ami Maxime Bilodeau et sa chronique sur la culture sportive. Youhou! C'est demain dans l'Assemblage requis à partir de 7h, 7h à 9h. Restez sur nos ondes. Le dîner de cons s'en vient à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, la version écourtée de Rock Classique entre 13h et 16h. Puis le début de la nouvelle saison de Melon Miel et Chou de Bruxelles entre 16h et 19h. Et on termine la soirée avec réanimation. On se quitte en musique avec Band of Skulls. Voici You're Not Pretty, but You Got It Going. Non, que j'ai dit à David? François? C'est méchant pour mettre deux barres. À moi-même, je me dédie à moi-même. Mais non, dédie-le, je sais pas, un sac de patates. Ouais! Bye! Static shock.